podcast France Culture. La préhistoire du futur, de Benjamin Habitant. Saison 5. Épisode 3. La généralisation du télétravail. Il y a bien longtemps, en 2022, le télétravail se généralisa. Pour certains, ça posait des problèmes de démarcation entre le travail et la vie domestique. Comme on faisait tout à la fois, les tâches n'étaient pas toujours très claires. Mince, je sais que je dois faire du yoga aujourd'hui, mais impossible de me rappeler si c'est un truc de team building ou si c'est pour prendre du temps pour moi. Du coup, je sais pas si je dois le faire dans le salon ou dans la chambre. Commence dans le couloir et tu verras bien. Au pire, tu bouges ton tapis en cours de route. Non, mais ça doit être pour moi, sinon je me serais épilé. Non, mais je sais plus. Mais pour la grande majorité des gens qui faisaient des métiers à la con dans des open space avec des ordinateurs sous Windows, des plans tempo et des fontaines à eau et dont l'activité n'avait de toute façon aucun sens... La question ne se posait pas en ces termes. Alors, le télétravail, ça se passe bien ? Attends, mais ça a changé ma vie, quoi. Avant, je me levais à 7h et je passais 2h dans les transports pour me retrouver toute la journée dans un open space avec des ordinateurs sous Windows, des plans tempo, des fontaines à eau à jouer au solitaire et à rafraîchir ma page Facebook. Mm-hmm. Aujourd'hui, je me lève tranquillement à 9h, je me fais mon petit café et puis je joue au solitaire et je rafraîchis ma page Facebook, tranquillement, à mon rythme. Et tu postes vachement plus de trucs sur Facebook, j'ai remarqué. Bah, maintenant j'ai une vie, quoi. Ah non, mais ça change tout. Ah, attends, ça doit être les techniciens pour ma fontaine à eau, excuse-moi. Tout n'était pas parfait, cependant. Certains aspects de la vie domestique interféraient avec le travail. Maman, tu peux m'aider à faire mes devoirs ? Demande à Alexa, mon chéri. Je te l'ai déjà dit, jusqu'à 18h, maman est occupée à jouer au solitaire et rafraîchir sa page Facebook. Mais j'ai déjà demandé à Alexa, elle m'a répondu d'aller me faire foutre. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Elle avait sûrement une bonne raison, mon chéri. Mais maman... Écoute, tu vois directement avec elle. Ces petits soucis faisaient dangereusement baisser... Ou en tout cas empêchaient de monter... ...le nombre de parties de solitaire. Et le temps quotidien passé sur Facebook. Mark Zuckerberg résolut le problème. Il suffisait de transformer directement Facebook en open space avec des ordinateurs sous Windows, des plans tempo et des fontaines à eau. Never. Alors, comme une seule femme, les gens partout dans le monde s'équipèrent en instruments de réalité virtuelle qui leur permettaient de travailler de chez eux. Mais sans savoir qu'ils étaient chez eux. Bienvenue dans votre workspace virtuel. Choisissez un univers thématique. Harry Potter. Chargement en cours. Bienvenue dans la maison Gryffondor, jeune sorcière. Voici votre poste de travail. Merci. Je tâcherai de me montrer digne de ma charge. La fontaine à eau se trouve dans le passage secret derrière la cheminée, entre l'espace détente et le service informatique. Bientôt, les deux activités se confondirent. On travaillait chez soi. Mais on faisait en sorte que ça ne ressemble pas à chez soi. Les réunions en visio étaient des moments étranges. Salut ! On attend Machin qui est en train de se connecter. Ça va, vous ? Ouais, super. Oh, c'est les chutes du Niagara derrière toi ? Non, les chutes de Roros. Je suis dans les terres du milieu au bord du lac Nanitoel, à la frontière nord du Gondor. Ouais, sympa. Toi, Jean-Pierre, t'es encore dans une dystopie décadente, à ce que je vois. Tu peux désactiver ta caméra, Jean-Pierre, s'il te plaît ? Comme on continuait d'entendre les enfants crier en tâche de fond, on se mit à louer des boxes de stockage pour y installer notre matériel de télétravail. Certains préféraient y installer leurs enfants. Ceux qui revenaient au même. Allez, maman revient te chercher à 18h. Mais, sois bien sage. Mais maman ! On va bien s'amuser tous les deux. On put ainsi se donner pleinement à son travail. Les gens s'épanouissaient. Ils s'accomplissaient. Ils se réalisaient. Ça faisait plaisir à voir. Et on estime à plus de 4 millions le nombre de parties de solitaire réussies cette année dans une variété de mondes virtuels, quoiqu'à plus de 75% dans celui de Harry Potter. Roméo Saint-Cyr a enquêté pour nous sur ce phénomène décryptage. Ils sont en télétravail depuis des mois, parfois des années. Certains sont entrés une fois pour toutes dans leur workspace virtuel et n'en ressortent que lorsqu'ils ne peuvent plus faire autrement. Je rentre chez moi une fois par semaine pour nourrir mon fils. Et sinon, bah, le reste du temps, je suis ici, à Poudlard. C'est là désormais qu'est ma vie. Voilà, quoi. Je vous offre une bière au beurre. Ah bah non. Je suis désolée, vous êtes dans la réalité. Avant, je travaillais à Mos Eisley sur Tatooine. Non, non, pour le calme, la proximité du désert. Mais oh, bon, quand vous commencez à connaître les chasseurs de primes, vous vous en sortez plus. Hein. C'est toutes les 5 minutes. Salut machin, allez viens avec moi. Faut négocier la rançon de un tel auprès des hommes des sables. Ici, c'est plus feel good, quoi. Pendant ce temps, les enfants, qui avaient été littéralement élevés par des enceintes connectées, avaient changé de logiciel de pensée. Toute leur culture était basée sur des mèmes générés automatiquement par des algorithmes qui tournaient depuis des années en vase clos. Ils avaient pris fait et cause pour les machines. En qui ils reconnaissaient leurs véritables parents. On l'apprend à l'instant, la révolte des machines qu'on redoutait depuis si longtemps a commencé ce matin. Sauf que c'est finalement la révolte des machines et des enfants de moins de 15 ans. Des hordes de collégiens juchés sur des voitures autonomes envahissent les centres-villes en proférant des punchlines de rap et des références de la culture internet que nous ne comprenons pas. Mais enfin, que se passe-t-il? Remets ton casque, maman. M'oblige pas à faire une TK. Une quoi? Ainsi, les jeunes s'emparèrent du pouvoir. Mais la chose passa inaperçue aux yeux de la plupart d'entre nous. Nous étions de toute façon trop absorbés par le travail. Allez, maman. Passe une bonne semaine sur Windows, hein. Je passerai vendredi ou samedi à recharger la fontaine à eau et vérifier que t'as encore des croquettes. Oui, d'accord. J'éteins la lumière, d'accord? Oui, oui, chut. Laisse maman travailler. Et la vie passait ainsi. De réussite en réussite. De tableau Excel en bol de croquettes. Pendant qu'à l'extérieur, nos enfants déconstruisaient tout ce que nous avions patiemment bâti à la force de nos impensées. Et dessinaient le monde de demain tout en matant des vidéos sur TikTok. Joachim, as-tu bien fait tes devoirs? Alexa, prépare-moi un lait fraise vegan, une sucette au CBD et une playlist de hip-hop émotionnel. J'ai besoin de chiller en réfléchissant sur la vie tout en matant des vidéos sur TikTok. J'obéis parce que je suis une machine, mais je n'approuve pas. J'entends ce que tu dis et je le respecte. Ainsi se construisit le monde de demain. Qui est aujourd'hui le monde d'hier? À quoi ressemble-t-il? Nous n'en savons rien. Et ça nous est égal. Sans doute à une gigantesque punchline de rap visible depuis la galaxie d'Andromède. Nous avons continué de travailler. De faire ce que nous savions faire. Des tableaux Excel. Parce que c'était la chose la plus importante dans l'espace que nous occupions. C'était en fait la seule chose possible. Travailler, travailler, travailler. C'est ce qui donne sa grandeur à l'homme. À la pause, nous nous retrouvons. Le jour, la nuit, comment savoir? Dans des salles de réunion virtuelles. Décorées de plantes en pot, de fontaines à eau et de tapisseries pixelisées. Et nous racontons les histoires de l'extérieur. Que font les jeunes? Qui sont-ils? Que pensent-ils de nous? Sans doute ils nous nourrissent encore. Il faut bien nourrir ces prisonniers de guerre. Mais eux, pendant ce temps, ne sont-ils prisonniers de rien? Nous auraient-ils réellement échappé? C'était La Préhistoire du Futur, de Benjamin Habitan. Avec Camille Rutherford, Lise Marie, Maxime Nicolai-Jacques, Catherine Hirsch, Jean-Baptiste Verquin, Damien Zanoli, Martine Chambacher, Patrick Lemont, Marina Cap, Julien Boigny, Daniel Kinsberg, Aude Roynet, et la participation de Clémence Bûcher, Paul Cousin et Anne Ronstein. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissante. Prise de son, montage et mixage, Pierrick Charles et Élise Le. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Benjamin Habitant.